Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Mag sur Radioactive. Je vous propose aujourd'hui dans cette émission de parler de démocratie participative et de projets citoyens à Amboise. La ville a lancé depuis l'année dernière un budget participatif, une initiative qui permet aux habitants et habitantes de proposer des idées pour améliorer le cadre de vie et puis de voter pour leurs projets préférés. Certains d'entre eux ont été retenus et sont désormais en lice pour bénéficier d'un financement de la ville. Pour en parler avec nous, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Lionel Fisson, adjoint à la culture, notamment, et pas que, comme on le dit bien souvent. Aujourd'hui, c'est sa casquette de... Démocratie permanente. Voilà, démocratie permanente à la mairie d'Amboise. Bonjour Lionel. Bonjour, bonjour Marlène, bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être avec nous. Merci. Alors, bah évidemment, hein, c'est le rituel. Pour commencer, on va rappeler ce qu'est le principe du budget participatif et ce qui a motivé la ville à en lancer un. Alors, le principe du budget participatif, c'est finalement de réserver une petite partie du budget. Chez nous, c'est 50 000 euros par an qu'on permet de laisser à la décision des citoyens et aux propositions des citoyens. Donc, dans un premier temps, il y a des propositions qui sont recueillies de citoyens qui peuvent permettre d'avoir des projets qui sont ensuite mis au vote. Donc, les citoyens sont à l'initiative et ils sont aussi à la prise de décision. Donc, en gros, l'idée, c'est ça. C'est on met, je dirais, à la disposition des citoyens, à hauteur de 50 000 euros chaque année, une partie du budget de la ville pour réaliser des choses qu'ils proposent et sur lesquelles ils ont décidé de voter. Combien de projets ont été déposés cette année et combien ont été retenus ? Alors, cette année, on a eu à peu près comme l'année dernière, 34 projets environ qui ont été retenus. Et puis, il y en a donc 16 qui sont au vote. Et on est à peu près aussi comme l'année dernière, sur le même ratio. Alors, je le redis parce que c'est toujours important. Pourquoi on ne retient pas certains projets ? En gros, il y a des raisons de faisabilité. Soit c'est des projets qui sont trop chers, donc ça ne rentre pas l'enveloppe, puisque c'est 50 000 euros et maximum 30 000 euros pour un projet, puisqu'on veut qu'il y en ait au moins deux minimum qui puissent être proposés. Ensuite, on a des projets qui ne peuvent pas être mis en place. Alors notamment, on a la thématique de l'île d'Or. Il y a souvent des gens qui proposent des choses sur l'île d'Or. L'île d'Or est soumise à un schéma d'aménagement qui est en cours de validation et à partir duquel il va y avoir un certain nombre de choses qui vont être faites sur l'île d'Or. Donc ça peut donner des idées par rapport à ce qu'on va faire plus tard sur l'île d'Or. Mais aujourd'hui, on ne peut pas y installer des projets. Bah, ces contraintes-là, on peut les retrouver aussi sur certains projets par rapport au bâtiment de France, par rapport à la proximité de la Loire. Donc on a tout un tas de contraintes qui font que certains projets, c'est compliqué. Donc la contrainte de prix, j'en ai déjà parlé. Puis après, il y a les contraintes, techniques. Il faut que ça soit quelque chose qui puisse se mettre en place. Donc forcément, on soit obligé d'avoir un suivi. Donc il faut que, par exemple, qu'il y ait une association ou une structure qui puisse porter certains projets parce que il peut y avoir des très bonnes idées, mais s'il n'y a personne pour s'en occuper après, ça va être compliqué. Mmh. Et puis peut-être la dernière difficulté qu'on a parfois, c'est qu'il y a des gens qui nous proposent juste des idées, en fait. C'est une idée, mais il n'y a pas vraiment un projet construit derrière. Alors quand je dis construit, ce n'est pas forcément totalement élaboré, mais enfin quand même qu'il y ait des choses un peu précises. Et donc pour le coup, on a juste une simple idée, et en soi, ça ne peut pas être mis au vote, quoi. Même si l'idée est bonne, on imagine. On imagine qu'il y a une présélection quand même. On sait que vous êtes accompagné d'Emma au sein du service. Est-ce que parfois il y a des projets un peu fous, un peu utopiques qui arrive et à qui vous êtes obligé d'expliquer que non, là, concrètement, ça ne va pas être faisable. Alors oui, effectivement, on a mis en place, à côté de ce budget participatif, une commission de suivi, qui donc se réunit en gros deux fois. Une première fois pour déterminer les projets qu'on va retenir ou pas, et une deuxième fois, un petit peu, une fois qu'on a tous les votes, pour voir comment on va gérer tout ça, et pour donc suivre le projet. Et cette commission de suivi, donc, elle a intérêt aussi d'avoir des citoyens. Donc il y a trois citoyens tirés au sort. Donc à chaque budget participatif, on tire au sort, on tire au sort une vingtaine de citoyens au minimum. Et puis après, c'est sur la base du volontariat. Donc il y en a trois qui siègent. Derrière, il y a aussi des techniciens de la ville, des agents. Mmh. Et puis il y a trois élus. Donc ça permet d'avoir une commission où on a plusieurs regards. Et c'est assez intéressant. Et donc oui, des fois, on a des projets qui sont beaucoup trop chers. Il y avait une idée, par exemple, que moi j'aimais bien, qui avait été proposée au premier projet participatif. C'était une idée, alors en gros, de bibliothèque d'objets, mais via des distributeurs un peu automatiques, ou comme on a maintenant aujourd'hui pour le pain ou pour d'autres choses, que ça existe dans l'espace public. Alors sauf que ça, par exemple, c'est une idée qui peut être sympa, mais derrière, s'il n'y a pas une structure qui est capable de vérifier les objets qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, vous mettez une perceuse, si jamais elle est complètement dysfonctionnante, elle met le feu à la maison ou si elle est cassée. Enfin, c'était un beau projet, mais ça pourrait être soutenu si on a une structure qui est capable de porter ça pour vérifier les objets, vérifier que le retour s'est fait dans de bonnes conditions, etc. Mmh. etc. Donc ça sous-entend toute une logistique. Et elle n'y était pas, il y avait juste l'idée, qui est une super idée, mais bon, peut-être qu'un jour, il y aura la logistique pour. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques-uns des, j'ai même envie de dire, les projets qui sont aujourd'hui en lice pour un financement ? Alors, ce que je peux peut-être dire juste avant, c'est que les votes sont ouverts jusqu'au 6 décembre. Ok, donc ouvrez grand les oreilles, voilà. Parce que vous allez pouvoir voter pour ceux qui vous Voilà, jusqu'au conviennent. 6 décembre. Et puis, on regardera peut-être à la fin quelles sont un peu les modalités de vote. Je le rappellerai, je pense que c'est important. Et puis là, comme ça a commencé le 6 septembre, on est à peu près, par rapport à la dernière fois, à 50% de votants par rapport à la dernière fois. On arrive aux 200 votants. Et puis, comme on doit voter au minimum sur deux projets, on est à plus de 500 votes. Donc, par rapport à la dernière fois, on est à 50%. Donc, il nous reste jusqu'au 6 décembre. Donc, faut voter, faut vraiment voter pour les projets qui vous plaisent. Et puis, on sait que, par exemple, aujourd'hui, il y a plus de votes plateforme. Et les votes papier, c'est aussi quand nous, on est présents sur le marché, quand il y a des événements. Donc on est confiant. Alors moi, je veux bien présenter les projets. Donc, Mais oui. Le premier projet, alors à chaque fois, le principe, je le rappelle peut-être, c'est qu'il y a un montant qui est attribué à chaque projet. Et puis, on a un panier, en fait, de 50 000 euros qui correspond à l'ensemble du budget participatif. Donc on peut proposer autant de projets dans la limite des 50 000 euros. Donc le premier projet, c'est un projet de création de frigo solidaire, donc qui est valorisé entre guillemets à hauteur de 1 600 euros. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir un frigo où il peut être mis des produits non consommés, notamment des invendus commerciaux, puis après qui peuvent être mis en libre service auprès des gens qui en ont besoin. Donc ça, c'est le premier projet. Donc après, il faut avoir aussi, là, c'est par exemple ce que je disais tout à l'heure, donc il y aura aussi une recherche, si c'est élu, entre guillemets, de structures volontaires pour l'accueil, puisqu'il faut aussi qu'il puisse être accueilli. On ne peut pas le laisser, il faut un endroit pour accueillir ce fameux frigo solidaire. On a un deuxième projet qui est un peu plus classique, qui est l'agrandissement de l'aire de jeu qui est à côté du kiosque sur le Mile. À Amboise. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir mettre quelques jeux en plus. Donc là, on ne peut pas en mettre 200, et on peut même mettre des trucs qui font 15 mètres, parce que je parlais tout à l'heure des règles d'urbanisme. Donc là, il y a un projet donc, qui est à hauteur de 5000 euros, qui prévoit de mettre en place des jeux supplémentaires sur cet espace-là, pour augmenter son attraction, on va dire ça comme ça. Très bien. Troisième projet, on a 16. Donc c'est un projet qui est là, pas du tout sur les mêmes thématiques, puisque c'est l'association Médialogue. Donc on est sur un projet pour faire à gros traits, pour développer la culture et l'éducation aux médias et à l'information, avec notamment la possibilité d'aller vers les habitants pour leur permettre de s'exprimer au travers de micro-trottoirs. Donc c'est un projet à direction des habitants et dans une volonté d'éducation aux médias. Donc qui est 2275 euros à chaque fois, il y a un montant. On voit que c'est très très hétérogène. Donc là, quatrième projet, là aussi très différent de ce que j'ai pu évoquer. C'est un projet donc qui est lié à l'association Assage, avec notamment au sein de l'Assage, un atelier de couturière solidaire des quartiers de Maletraine et Verri. Donc il y a une demande, il y a un projet, puisqu'elles ont des activités de couture, et puis elles veulent faire des serviettes hygiéniques lavables et puis des turbans pour les personnes touchées par le cancer. Et par rapport à ça, il y a une demande d'aide pour l'achat de matériel. Très bien. Beau projet que je trouve très sympa. Alors après, tous les projets sont bien. J'ai pas de préférence. Enfin, si, mais ça sera que moi et l'urne qui sauront quelles sont mes préférences, qui est autour de la biodiversité urbaine. Donc là, c'est un projet qui est valorisé à 4000 euros, qui a été proposé par l'association Fête de la Science en Val d'Amboise, et qui propose de mettre des caméras dans des lieux choisis dans la ville. Donc ça peut être y compris chez les habitants volontaires, et qui peuvent filmer automatiquement la faune locale. Donc en fait, il y a des images qui sont recueillies et qui pourront être diffusées donc, dans les écoles, à la mairie, à la médiathèque, servir de support pédagogique, et donc avec des caméras qui vont pouvoir prendre un peu sur le vif des scènes de faune qu'on ne verrait pas si on était juste à côté, puisque pour le coup, la caméra, les animaux s'habituent, et ça permet d'avoir des choses assez sympas. Une borne de réparation vélo qui est proposée à être installée sur la Loire à vélo. Aujourd'hui, on n'en a pas en Boise, donc c'est plutôt une bonne idée pour compléter un peu notre dispositif d'accueil de vélo. Donc c'est des bornes libre-service où il y a des outils qui sont rattachés à la borne qui permettent de faire des petites réparations quand on en a besoin. Donc ça, c'est valorisé à 2000 euros. Ensuite, on a un assez gros projet. On n'a pas beaucoup de très gros projets, on en a deux ou trois qui sont à 10 000 et plus. pas de projet à 30 000 euros, contrairement au premier. Donc là, c'est un projet qui a été déjà porté dans le premier budget participatif de l'Association de l'astronomie en Val d'Amboise et qui propose de mettre en place un parcours, donc là, au niveau des lycées, l'allée des Clos du Garde, qui représente le système solaire avec des maquettes des différentes planètes et en prenant en compte la distance réelle, alors bien évidemment on fait au prorata des distances existantes, hein, entre les planètes. Donc ça permet d'avoir les planètes qui sont très près pour certaines d'entre elles et puis très éloignées pour d'autres, parce qu'en finalement ça va prendre quasiment toute la rue et on voit que ça permet de se représenter en fait, parce qu'il y a vraiment des disparités. Souvent on a une représentation du système solaire où on voit toutes les planètes les unes à côté des autres, ouais. Mais en fait il y a des distances très très fortes entre certaines, et donc là ça permet de bien de visualiser. Donc c'est un projet scientifique qui est reproposé au budget participatif. Ce qui nous permet de préciser qu'un projet qui n'a pas été retenu peut être reposé l'année suivante, puisque là c'est le cas. Voilà, tout à fait. Alors il y a deux solutions. Soit on est sur, je parlais tout à l'heure de simple idée, et des fois une simple idée, on dit aux gens, retravailler l'idée et puis redéposer l'année prochaine. Ça peut être ça la première chose, et puis après il peut y avoir effectivement des projets qui n'ont pas été retenus et puis qui sont reproposés, quitte à un petit peu les améliorer ou à modifier deux, trois choses, mais oui, c'est pas interdit. Okay. Un autre projet, un beau projet, je suis un peu obligé de le dire, hein, c'est contractuel, non je rigole, c'est le 8e projet. Donc là c'est un projet aussi à destination des citoyens, un projet autour des médias, donc c'est un projet porté pour Radioactive, pour permettre qu'il y ait plus de liens avec les citoyens, avec notamment du matériel pour un studio mobile, pour aller à la rencontre des habitants, dans les écoles, dans les quartiers, événements et marchés. Donc Radioactive est très présente auprès de la population, dans les événements, et elle nous accompagne régulièrement. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir du matériel pour faciliter et améliorer ce travail de présence de proximité, de radio de proximité que fait Radioactive. Absolument, j'ai peu de choses à y rajouter, si ce n'est qu'effectivement, on aimerait pouvoir donner la parole aux habitants, mais aussi aux assos, aux artistes, à tous ceux qui ont quelque chose à dire, et de pouvoir aller à leur rencontre en installant facilement un plateau extérieur. Nous sommes également en lice, vous l'aurez compris. Voilà. Donc, on a ensuite un projet. Ce projet, il est aussi assez intéressant parce qu'il a été porté par le Conseil municipal des enfants. Donc il peut y avoir des projets portés par des associations qui sont financés en général à 85%, tout dépend du projet, mais en général c'est ça. Des projets portés par des simples citoyens, entre guillemets, hein, par des citoyens. Et puis aussi des projets qui sont portés par des collectifs. Alors le Conseil municipal des enfants, on est plutôt sur un collectif. Et donc là, il propose un projet avec des silhouettes qui pourront être mis aux abords des écoles. Le projet là concernerait deux ou trois écoles pour tester le dispositif avec des silhouettes pour faire en sorte que les automobilistes fassent attention par rapport au fait qu'il y a une école. Donc on est plutôt sur les écoles qui sont sur des axes importants. Forcément, une école qui est au fond d'une impasse, l'enjeu il est un peu moindre. Mais on a quelques écoles, je pense à Paul-Louis Courrier, à Jules Ferry, il y en a d'autres, qui sont sur des axes assez passants. Et là, ça peut avoir tout son intérêt. Donc on va tester avec, si c'est bien évidemment voté, avec quelques silhouettes pour tester le dispositif et puis voir comment ça fonctionne. Très bien. C'était donc le numéro 9. Avant de passer au numéro 10, hein, puisqu'on a hâte de connaître tous les projets évidemment en lice pour ce budget participatif, on va écouter Guy Adré, un choix que vous avez eu et que vous nous proposez aujourd'hui avec un titre qui s'appelle Carpe Diem. Et bien on écoute. Il était une fois, il n'y a pas du tout longtemps de ça, une armée de scientifiques qui ont écrit des articles. On a lu, on s'est dit, ça fait peur ce qui est écrit. C'est quoi, c'est ça, la Malek? C'était le rapport du GIEC. Ça disait qu'en 2100, il n'y aurait plus de Nouvelle-Orléans, il n'y aurait plus de Miami, sans doute plus de New York aussi. Mais 2100, c'est loin, nous, on s'en bat les reins. Malek, les océans, on sera mort depuis longtemps. Mais pas toi, pas toi, non, pas toi. C'est nous, on est foufou, on brûle la vie par les deux bouts. C-A-R-P-E-D-I-E-M, carpe diem. C'est pour ça qu'on s'en fout, pour ça qu'on fait rien du tout. Parce que tout ça, c'est ton problème. C'est ton problème à toi. Et si tu veux voir Jakarta, eh bah vas-y maintenant, hein, tu peux pas, t'as que 3 ans. Si tu veux pas crever de chaud, va falloir être plus écolo. Parce que nous, on va mourir, mais toi, tu vas grandir. Quand on sera mort et que tu seras grand, qu'il fera 50 degrés au Mans, faudra pas venir te plaindre de devoir aller vivre dans l'Indre. Va falloir y mettre du tien, parce que le monde qui vient, on va le quitter bientôt. C'est pas nous qu'on va manquer d'eau. Non, c'est toi, c'est toi, oui c'est toi. Parce que nous on est foufous, on brûle la vie par les deux bouts. C'est A-R-P-E-T-I-E-M, carpe diem. C'est pour ça qu'on s'en fout, pour ça qu'on fait rien du tout. Parce que tout ça, c'est ton problème. C'est ton problème et pas le mien. Et sous prétexte que t'y peux rien, je devrais faire pour toi des trucs dont je ne profiterai pas. Mais toi tu fais quoi pour nous, à part nous coûter des sous, crier fort dans les transports et te réveiller à 6h. Et puis si t'es pas content, t'as qu'à écrire aux dirigeants. Mais sans vouloir te décevoir, faut pas que t'y mettes trop d'espoir. Eux il leur reste au mieux 20 ans pour croquer la vie à pleines dents. Tu sais il faut les comprendre, ils ont autre chose à défendre. Que toi, oui que toi. Tu sais, eux, ils sont foufous, ils brûlent la vie par les deux bouts. C'est A-R-P-E-T-I-E-M, carpe diem. C'est pour ça qu'ils s'en foutent, pour ça qu'ils font rien du tout. Parce que tout ça, c'est ton problème. Carpe diem, Guy Edré, sur Radioactive. Vous êtes toujours à l'écoute du MAG avec aujourd'hui Lionel Chisson qui est venu nous parler du budget participatif d'Amboise et plus précisément des projets en lice pour le vote. Vous avez jusqu'au 6 décembre, nous en étions au projet numéro 9 et donc maintenant 10. Eh bien, on vous écoute. Le numéro 10, donc là on est sur un projet aussi qui concerne un peu les jeunes puisque en fait c'est un projet qui est porté par l'école Georges Sand, du quartier de la Verrie, par rapport à la rénovation de sa bibliothèque, on dit une BCD, donc une bibliothèque de l'école, mais qui est ouverte à tous les élèves, donc gratuitement, et donc il y a un service qui est offert à tous les habitants du quartier, via les enfants. Donc il y a besoin de la rénover, puisqu'elle commence à être fatiguée, cette bibliothèque, et pour le coup, vieillissante, elle est beaucoup moins utilisée. Donc c'est un projet qui revient un petit peu le plus cher de toute la proposition de cette année, qui est valorisé à 16 333 €, très précis. 11, on a des ateliers de redynamisation, c'est pas facile à dire, donc là c'est porté par la MJC, on voit qu'il y a quand même pas mal de projets qui sont portés par les associations. C'est le collectif ARC qui propose des cycles d'ateliers pour accompagner les habitants en recherche de redynamisation sociale ou professionnelle. Et donc ça, ce projet porté par la MJC, donc il est valorisé à 2 500 €. On continue et on voit qu'on a aussi des projets, et ça c'était un souhait, qui sont très concrets avec du matériel, avec des choses qui peuvent être dans l'espace public, mais aussi qui sont des projets portés par des associations pour des actions qui peuvent être au bénéfice des citoyens. Et là, un projet bien concret, le numéro 12, c'est la mise en place de bancs sur la place du marché. Donc il y a une proposition, c'est estimé à 2 000 € pour installer des bancs sur la place du marché près des halles, alors des anciens abattoirs plus précisément. Donc voilà, c'est des gens qui se disent que ça pourrait être pas mal aussi de pouvoir s'asseoir quand on va au marché. Numéro 13, donc là on est aussi sur un projet un petit peu comme tout à l'heure, qui est un projet d'action. Un artiste, un instrument, un pays, parcourons le monde en chantant. Donc c'est un projet artistique qui est proposé auprès des résidents des EHPAD de la ville, autour de différentes cultures et donc une animation musicale. Et donc là, c'est aussi un soutien pour la mise en place de ce projet qui est proposé, donc qui est valorisé à hauteur de 1 500 € par rapport aux musiques du monde. On continue. Donc là, on a encore du bien concret avec une proposition pour la rénovation du lavoir de la fontaine Chandon. Puisqu'on a une jolie fontaine dans le quartier de Chandon, les gens qui ne connaissent pas, allez voir, c'est très joli. C'est une zone un petit peu vallonnée d'Amboise, entre Amboise et Lussault. Et la proposition, c'est donc vise à restaurer et à valoriser un petit peu mieux le lavoir de la fontaine Chandon, pour donner un petit peu plus aussi d'intérêt à ce lieu de vie. Il rend plus visible pour les habitants et les promeneurs, donc il y a un coût qui est estimé à 1 000 € sur ce projet. Très bien. On arrive vers la fin, hein. Puisqu'on arrive au 15e sur 16. Donc c'est une piste d'apprentissage du vélo pour tous. Donc là, c'est la création d'une piste dédiée à l'apprentissage du vélo. Mais il y en a quelques-unes parfois dans nos écoles, mais celle-ci, elle serait accessible à tous et peut être particulièrement utile pour les jeunes ou pour des parents qui voudraient faire apprendre le vélo à leurs enfants. Alors avec un emplacement qui reste encore à définir, parce que là, la difficulté, c'est de trouver un emplacement adapté. Il faut qu'il puisse être accessible à tous. Mais en même temps, s'il y a tout le temps des voitures dessus, etc., ce n'est pas forcément facile. Donc là, le projet, on le propose au vote. Et il faudra, s'il est retenu, qu'on réfléchisse vraiment au lieu, parce que c'est quand même la deuxième chose pour la mettre en place. Il faut quand même qu'on ait le lieu. Et puis le dernier projet, là encore, on est sur du concret et une prise en compte de notre environnement en général, avec un projet pour qu'il puisse y avoir vraiment auprès de chaque conteneur en verre des poubelles. Alors c'est le cas dans un certain nombre de conteneurs, mais ce n'est pas le cas de tous, pour permettre d'éviter qu'on ait auprès des conteneurs de verre plein de bouchons et autres. On sait que c'est parfois des endroits où il y a des gens qui sont peut-être pas très très citoyens, on va dire ça comme ça. Alors ils ont déjà fait l'effort de venir au verre, mais ils vont pas jusqu'à mettre les bouchons dans une poubelle ou de les garder et puis les mettre ailleurs à la poubelle et ils les laissent par terre. Donc là l'idée c'est d'avoir des poubelles à proximité pour permettre que ce qui doit être dans le bac à verre aille dans le bac à verre et puis le reste dans une poubelle et pas par terre. Voilà. Très bien, donc 16 projets concrets. Tout à fait. Que Lionel Chisson vient de nous énumérer. Les auditeurs ont jusqu'au 6 décembre pour pouvoir voter. Comment ils s'y prennent ? Alors, on peut voter soit donc de manière papier. Et alors, de manière papier, il y a des urnes qui sont disposées dans un certain nombre de lieux dans Amboise. Alors notamment, mais ce n'est pas les seuls, la médiathèque. Il y a également la mairie. Donc là, vous remplissez avec au moins 2 projets, mais vous pouvez plus. Est-ce qu'il faut montrer patte blanche, je suis d'Amboise, ou est-ce que je peux voter si je suis de la communauté de communes du Val d'Amboise ? Alors, normalement, pour voter, il faut avoir plus de 10 ans, donc c'est-à-dire que les jeunes peuvent voter, et normalement, il faut être d'Amboise. Mmh. Ok. Quand on vote sur la plateforme, on demande la commune. Quand on vote papier, alors quand c'est en direct, on échange avec les gens et en général, on leur dit on est d'Amboise. Après, il n'y a pas un contrôle d'identité non plus. Hein. Donc voilà, on est quand même relativement souple par rapport à ça. Donc pour le coup, on remplit le petit formulaire et puis on vote dans une urne. Donc là, il y en a un certain nombre disposés sur le territoire, donc j'en ai cité 2. Il y a également la possibilité, quand on fait des marchés, on va faire quelques marchés, le vendredi matin en général, où là, il y a possibilité justement de voter. Et puis, bien évidemment, la plateforme participative qui permet d'avoir là, pour le coup, tous les projets. C'est peut-être la façon la plus facile de voter parce que ça permet vraiment, en plus d'avoir... Le pécule diminue. Voilà, ça permet d'avoir mesure. Un panier, de ne pas être obligé de faire son petit calcul à la main pour voir est-ce que j'ai dépassé 50 000 ou pas. Donc, c'est plutôt pas mal. Et donc là, la plateforme participative, je rappelle l'adresse, hein, c'est jeparticipe.ville-6amboise.fr. Donc c'est là où on peut voter. Il y a également la possibilité aussi d'envoyer par mail son vote. On peut l'envoyer par mail. Donc là, c'est jeparticipe aussi, tout attaché, @, pour le coup, ville-6amboise.fr. Donc on peut voter par mail. Donc voilà, par mail. La plateforme, c'est probablement là où c'est le plus simple parce qu'il y a justement, on voit vraiment où pratique. On en est. On peut bien visualiser chaque projet pour vraiment se faire une idée des projets qu'on a envie de soutenir. Et puis sinon, il y a la possibilité de faire papier. La dernière fois, on était à peu près à 50-50, un petit peu plus sur la plateforme. Ça devait être un peu plus de 215 sur la plateforme et puis 204 papier, donc, puisqu'on était à peu près à 420 votants. Donc c'est 50-50, mais c'est bien d'avoir les différentes formules pour permettre à tous de pouvoir voter, qu'on soit... accessible au plus grand nombre. Voilà, et qu'on soit vraiment habitué au numérique, ou qu'on ait moins l'habitude, ou qu'on ait pour le coup plus envie de voter papier, tout le monde peut voter. Très bien, dernière question Lionel, à quel moment est-ce que les projets verront le jour concrètement ? Alors ça c'est la grande question. Est-ce que les projets de l'an dernier déjà ont... Alors, il y en a qui commencent, notamment les projets qui sont liés aux associations. On a pu en mettre un certain nombre en place. Il commence à y avoir des nichoirs, puisque c'était un projet qui avait bien fonctionné, les nichoirs. Il y a des associations, je pense par exemple à Livre Passerelle. Ils ont déjà mené une action autour du livre, notamment. Ils devaient aller au salon de Beaugency, etc. Donc, il y a des choses qui ont été faites. Après, il y a des choses, c'est plus long. Par exemple, les fontaines, qui sont un des gros projets, qui était le gros projet l'année dernière. Ça sous-entend plein d'autorisations, des travaux, etc. etc. Donc, on est dessus. C'est en cours. On espère qu'assez rapidement, on aura une première fontaine qui va être dans l'espace public. Probablement, l'objectif, c'est normalement celle du marché. Mmh. Alors, marché et Loire à vélo, puisque chez nous, la Loire à vélo passe à côté du marché. Donc ça devrait être la première, normalement. Et puis après, on en a 2 autres qui vont venir. Donc c'est vrai que la phase de réalisation, c'est aussi tout un tas de contraintes à prendre en compte. Ça peut impliquer des travaux, donc ça peut prendre un petit peu de temps. Mais ça avance. Très bien. Donc après, pour dire quand ça va être mis en place, c'est pareil, ça se met en place petit à petit. Il y a des choses qui peuvent aller assez vite et puis d'autres qui peuvent être un petit peu plus longues. Merci beaucoup Lionel Fisson pour toutes ces précisions. On voit que les Amboisiens ont fait preuve de créativité. Oui, tout à fait. Il y a toujours plein d'idées. Donc oui, il y a beaucoup de créativité. Puis c'est bien que d'un budget participatif sur l'autre, il y ait toujours un peu d'engouement avec des propositions et puis des votes. Donc c'est une vraie satisfaction et merci de me recevoir pour en parler de nouveau. Merci à Radioactive. Voilà. Merci. Merci à vous également. Donc les habitants peuvent voter pour leur projet préféré jusqu'au 6 décembre. On le rappelle, n'hésitez pas à participer sur la plateforme Je Participe dont Lionel nous a donné les coordonnées qu'on remettra via le podcast de cette émission. Le mag, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve bien sûr très vite sur Radioactive pour de nouvelles découvertes locales. À très bientôt. Au revoir. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.